A chaque fois que je kick, je te ken, alcool, shit, je dégaine pour tosser, faire de la peine, faire danser, se mettre la haine, personne ne m'attrape, moi quand je décolle, calache ni joule, posé sur l'épaule, je pars en freestyle, je rappelle, ça résonne, ouais, je pars en freestyle, je rappelle, ça résonne, je fais moins de vues avec ton clip, qu'est-ce que je fais avec mon teaser, moi dans le rap, c'est comme au charbon, je découpe les rimes, je pose à 10h, dans la coupe ça sort, ça somme, ça sort, je cagoule les gantés, ça boit même ta soeur, t'es du casso, cassos, votre cacassis, bagarre sur ta 6, mets des coups de taser, cours avec tes addicts, c'est les courtes la vie, tu peux vite finir, oui, vite finir en cours d'assises. Vas-y, fais-moi la passe, je mets la lulu. Des fois, je perds la tête, j'ai des allulus. Je le vois que celui qui veut pas que les gars one carton, tu lui ouvres son cul. Je vois le buzz arriver, je fais jamais le mia. Je ne changerai pas pour des putes ou des billets. Je suis déter à l'heure qu'il est, je suis souria, je vois les étoiles briller. J'ai baisé le rap, je suis devenu l'enculé. Calif, m'intitulé. Je vois la vie comme Tilly, j'hallucine, je vois des signes d'enculé. Les jaloux ne pas les calculer. Producteur prépare ta calculette. Les M6 font pipi dans la culotte. Au culot, je les pop, baf en culot. Ça sert à rien de faire l'héros. On a cramé, t'es qu'un béro. Quoi qu'il arrive, nique pas, tiro. Juste pas, dès que j'suis pas ta mère. J'suis pas ton père pour que tu me parles ta mère. Arrête, le rap, c'est pas pour toi. Tu es plein de toutes forces à vivre la galère. Défense à l'air, YouTube comme salaire. 8 millions de vues en 5 jours, c'est qu'une fausse salaire. Comme Totorina, j'me contenterai pas de Palerme. J'fais le boss, l'argent du boss, pourquoi pas la chatte à sa mère. J'vis la crise comme Bourriche, comme Tico, j'suis terre-terre. Déter, j'pars en guéguerre, armé comme Schwarzenegger. Arrête rap, stop tout, fizz up, stop tout, fizz up, tu là tu fais le costaud. J't'éclipse, trop de gens qu'on la haine. Qui me jette, arrête rap, stop tout, fizz up, stop tout, fizz up, tu là tu fais le costaud. J't'éclipse, trop de gens qu'on la haine. Qui me jette, arrête rap, stop tout, fizz up, stop tout, fizz up, tu là tu fais le costaud. J't'éclipse, trop de gens qu'on la haine. Qui me jette, arrête rap, stop tout, fizz up, stop tout, fizz up, tu là tu fais le costaud. J't'éclipse, trop de gens qu'on la haine. Qui me jette, arrête rap, stop tout, fizz up, stop. Fizz up, tu là tu fais le costaud. J't'éclipse, trop de gens qu'on la haine. Kim Jot.